Assis là sur une chaise d'un autre temps, je me regarde au bal des âmes seules. Je ne regrette rien, mes doigts ont glissé, mais le vent t'embrassait, mon corps s'est embrasé. Rien que pour elle, j'ai vécu tout et rien en même temps, oubliant tout ce que j'ai appris d'elle. Gravé dans ma mémoire des joies et des peines, je me suis pas égaré en route. Je ne regrette pas les émotions données, les sensations reçues, les amours passés. J'y suis parti, je suis revenu pareil, j'ai vécu tout et rien en même temps. J'ai vécu tout et rien en même temps, oubliant tout ce que j'ai appris d'elle. Gravé dans ma mémoire des joies et des peines, je me suis pas égaré en route. La vie c'est ça, on se rencontre et un jour on se quitte. Ne regrette rien. Devant ce miroir de papier glacé, elle défile au fil des jours. Je me suis gavé de tout ce corps sans retenue, je ne regrette pas toutes ces filles qui m'ont enflammé. Ils m'ont enflammée.